Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Depuis la venue de Christ, nous vivons une ère de grâce. Dieu ne nous demande pas des offrandes, des cultes ou des sacrifices pour satisfaire notre ego, mais il a envoyé son Fils pour nous donner sa justice divine. Celui qui croit en lui est complètement justifié. C'est pourquoi nous l'aimons et le remercions et nous nous offrons en sacrifice vivant, car il nous a sanctifiés. Christ ne nous abandonne pas comme des orphelins, mais reste avec nous et nous accorde ses dons. Nous ne méritons pas le pardon de nos péchés, ni la communion de l'Esprit de Dieu. Nous ne méritons pas non plus tout autre don ou bénédiction. Tout est grâce de sa part. En effet, nous ne méritons rien que la colère et la perdition. Mais en raison de notre lien avec Christ par la foi, nous sommes devenus les fils de Dieu, bénéficiant de sa grâce. Avez-vous réalisé la différence entre les esclaves du péché et les enfants de la grâce? Cette grâce n'est pas un simple sentiment émotionnel dans le cœur du saint. C'est plutôt un amour basé sur des droits judiciaires. Dieu ne peut pas pardonner à qui il veut, car le péché du pécheur mérite sa mort immédiate. Cependant, la crucifixion de Christ à notre place a accompli toute justice. Ainsi, la grâce est devenue un droit pour nous, et la miséricorde de Dieu, une réalité qui ne peut pas être ébranlée. La grâce en Christ est la base légale pour notre vie avec Dieu. Vous vous demandez, qui est ce Dieu, libre d'agir et pourtant lié par sa justice? Voici notre réponse. Plusieurs religions ont sérieusement et péniblement essayé de comprendre Dieu. Mais elles sont comme des échelles posées sur la terre qui ne peuvent pas atteindre les cieux. Mais Christ est comme une échelle divine descendant des cieux fixé sur terre. Notre rencontre avec Dieu par lui ne laisse personne dans le désespoir. Aucun de nous n'a vu le Créateur éternel parce que nos péchés nous séparent du Saint. Toutes les déclarations sur Dieu ne sont rien de plus que de vagues spéculations. Mais Christ et son Fils, avec lui depuis toute éternité, l'un des éléments de la Trinité divine. Ainsi, le Fils connaissait aussi le Père. Toute la révélation antérieure est insuffisante, mais Christ est la parole parfaite de Dieu et le résumé de toute la vérité. Quel est le pivot du message de Christ? Jésus nous a enseigné à nous adresser à Dieu en priant « Notre Père ». Qui est aux cieux. Il nous révèle ainsi que l'essence de Dieu est sa paternité. Dieu n'est pas un dictateur, un conquérant ou un destructeur. Il n'est ni apathique ni indifférent. Il prend soin de nous comme un père prend soin de son enfant. Si un enfant tombe dans la boue, son père l'en ressort, le nettoie et ne l'abandonne pas dans le monde de la culpabilité. Depuis que nous avons réalisé que Dieu est notre Père, nous sommes libérés du désespoir causé par nos soucis et nos péchés. Le Père nous a purifiés et accueillis. Nous vivons avec Dieu pour toujours. La révolution religieuse qui a éclaté dans notre monde au nom du Père est la nouvelle pensée chrétienne que Christ a véhiculé. Ce nom paternel englobe le résumé des paroles et œuvre de Christ. Avant son incarnation, Christ était avec son Père. Cette image clarifie la relation d'amour entre Christ et Dieu. Après sa mort, le Fils est ressuscité et est retourné vers son Père. Il n'est pas seulement assis à la droite de Dieu, mais il est aussi dans le sein du Père. Cela signifie qu'il est en lui, un avec lui. Ainsi, toutes les paroles de Christ sur Dieu sont véridiques. En Christ, nous voyons Dieu, tel Fils, tel Père, et tel Père, tel Fils. Prière. Notre Père, qui es aux cieux, nous te louons et te remercions parce que tu nous as envoyé Christ, ton Fils bien-aimé. Nous nous prosternons devant toi, car tu nous as libérés du cauchemar de la loi et tu as gravé ta divine justice en nous. Nous te remercions pour tout don spirituel et te magnifions à cause des privilèges que nous possédons en ton nom paternel. Question 14. Quelle nouvelle pensée Christ a-t-il apportée au monde? B. Christ conduit ses disciples de la repentance à la joie du mariage. Jean 1, 19 à 2, 12. 1. Une délégation du Sanhédrin questionne le Baptiste. Jean 1, 19 à 28. Jean 1, 19 à 21. 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les disciples envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» 20. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Un réveil eut lieu dans la vallée du Jourdain, autour de Jean-Baptiste. Des milliers de personnes affrontèrent les routes dangereuses et descendirent depuis le sommet des montagnes pour venir entendre la voix de ce nouveau prophète et être baptisés par lui pour la rémission de leurs péchés. Les gens ne sont généralement pas des ignorants, comme le pensent souvent les hautains, mais ils ont soif et aspirent à la direction divine. Ils discernent rapidement la puissance et l'autorité de ceux qui les possèdent. À cette époque, ils ne voulaient pas entendre parler de rites ni de règles, mais aspiraient à rencontrer Dieu. Les membres du Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse des Juifs, étaient conscients de ce réveil. Ils envoyèrent une délégation de prêtres et de lévites, dont la tâche consistait à tuer les animaux pour les offrir en sacrifice. Ils devaient questionner le Baptiste afin de pouvoir l'éliminer au cas où il blasphémerait. Cette rencontre entre le Baptiste et les délégués du Sanhédrin était donc officielle et dangereuse. L'évangéliste dit qu'ils étaient juifs. Avec ce nom, il révèle l'un des thèmes de son évangile, car à cette époque, la pensée juive était très stricte et littérale par rapport à la loi, pleine de fanatisme et de convoitise, et Jérusalem allait devenir le centre d'opposition à l'Esprit de Christ. Ce ne fut pas le peuple de l'Ancien Testament dans son ensemble qui s'opposa à Christ, mais les prêtres, surtout les pharisiens, qui devinrent les ennemis acharnés de tout développement religieux, s'écartant de leurs plans et échappant à leur contrôle. C'est pourquoi ils décidèrent de piéger le Baptiste avec leurs questions. Au milieu d'une foule très attentive, ils demandèrent à Jean, « Qui es-tu? Qui t'a permis de parler? As-tu étudié la loi et la théologie? Te considères-tu comme un envoyé de Dieu ou comme le Messie lui-même? » Jean-Baptiste évita le piège sans devoir mentir. S'il avait dit « Je suis le Messie », il l'aurait condamné à la lapidation, et s'il avait dit « Je ne suis pas le Messie », les gens l'auraient quitté et ne lui auraient plus attribué d'importance. À l'époque, les descendants d'Abraham souffraient d'être colonisés par les Romains. Ils attendaient ardemment un sauveur qui les délivrerait du joug des Romains. Le Baptiste confessa publiquement qu'il n'était pas le Christ, ni le Fils de Dieu. Il n'accepta pas de titre allant à l'encontre de la direction du Saint-Esprit. Il choisit de rester humble et fidèle à son appel, ayant l'assurance que Dieu confirmerait son message au bon moment. La délégation ne s'arrêta pas là. « Es-tu Élie ?» Ce nom se rapporte à la promesse de Malachie 4:5 qui annonça qu'avant la venue du Messie, un prophète apparaîtrait ayant l'esprit et la puissance du célèbre prophète Élie. Ce dernier avait fait descendre le feu des cieux sur ses adversaires et ressuscité un mort avec la permission de Dieu. Tous considéraient ce héros exceptionnel comme un chef de leur nation. Mais Jean s'humilia, même si en vérité il était ce prophète promis, comme Christ le confirma plus tard. Matthieu 11:14. Les prêtres lui demandèrent ensuite, « S'il était le prophète promis dont Moïse avait prédit qu'il serait semblable à lui et instaurerait une nouvelle et grande alliance. » Deutéronome 18:15. Il cherchait en fait à savoir qu'il avait envoyé parler comme un prophète, quelle était l'origine de son autorité, et s'il parlait par révélation ou de lui-même. Le Baptiste refusa d'assumer le rôle et la position de Moïse. Il ne voulait pas instaurer une nouvelle alliance avec Dieu sans être envoyé pour le faire, ni conduire son peuple vers une victoire militaire. Dans la tentation, il resta fidèle et ne devint pas vaniteux ni orgueilleux. Il répondit avec sagesse en se limitant au strict nécessaire. Tâchons d'appliquer ces principes dans notre vie. Prière. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir envoyé Jean-Baptiste dans le monde, un homme qui a su rester humble. Pardonne-nous notre orgueil de penser que nous sommes plus grands et plus importants que les autres. Aide-nous à réaliser que nous sommes des serviteurs et que toi seul es grand. Question 15. Quels sont les buts des questions posées par les délégués de la plus haute autorité juive? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21:6.